Chapitre 9. Sur le sacrement d'ordre. La plupart des sages de l'Antiquité ont vécu dans le célibat. On sait combien les gymnosophistes, les brahmanes, les druides ont tenu la chasteté à honneur. Les sauvages même la regardent comme céleste. Car les peuples de tous les temps et de tous les pays n'ont eu qu'un sentiment sur l'excellence de la virginité. Chez les anciens, les prêtres et les prêtresses, qui étaient censés commercer intimement avec le ciel, devaient vivre solitaires. La moindre atteinte portée à leurs vœux était suivie d'un châtiment terrible. On n'offrait aux dieux que des génisses qui n'avaient point encore été mères. Ce qu'il y avait de plus sublime et de plus doux dans la fable possédait la virginité. On la donnait à Vénus Uranie et à Minerve, déesse du génie et de la sagesse. L'amitié était une adolescente, et la virginité elle-même, personnifiée sous les traits de la lune, promenait sa pudeur mystérieuse dans les frais espaces de la nuit. Considérée sous ses autres rapports, la virginité n'est pas moins aimable. Dans les trois règnes de la nature, elle est la source des grâces et la perfection de la beauté. Les poètes, que nous voulons surtout convaincre ici, nous serviront d'autorité contre eux-mêmes. Ne se plaisent-ils pas à reproduire partout l'idée de la virginité comme un charme à leurs descriptions et à leurs tableaux? Ils la retrouvent ainsi au milieu des campagnes, dans les roses du printemps et dans la neige de l'hiver. Et c'est ainsi qu'ils la placent aux deux extrémités de la vie, sur les lèvres de l'enfant et sur les cheveux du vieillard. Ils la mêlent encore au mystère de la tombe. Ils nous parlent de l'Antiquité qui consacrait aux mânes des arbres sans semences, parce que la mort est stérile, ou parce que dans une autre vie, les sexes sont inconnus, et que l'âme est une vierge immortelle. Enfin, ils nous disent que, parmi les animaux, ceux qui se rapprochent le plus de notre intelligence sont voués à la chasteté. Ne croirait-on pas en effet reconnaître dans la ruche des abeilles le modèle de ces monastères où des vestales composent un miel céleste avec la fleur des vertus? Quant aux beaux-arts, la virginité en fait également les charmes, et les muses lui doivent leur éternelle jeunesse. Mais c'est surtout dans l'homme qu'elle déploie son excellence. Saint Ambroise a composé trois traités sur la virginité. Il y a mis les charmes de son éloquence, et il s'en excuse en disant qu'il l'a fait ainsi pour gagner l'esprit des vierges par la douceur de ses paroles. Il appelle la virginité une exemption de toute souillure. Il fait voir combien sa tranquillité est préférable aux soucis du mariage. Il dit aux vierges, « La pudeur, en colorant vos joues, vous rend excellemment belle. Retirez loin de la vue des hommes, comme des roses solitaires, vos grâces ne sont point soumises à leurs faux jugements. Toutefois, vous descendez aussi dans la lice pour disputer le prix de la beauté, non de celle du corps, mais de celle de la vertu. Beauté qu'aucune maladie n'altère, qu'aucun âge ne fane, et que la mort même ne peut ravir. Dieu seul s'établit juge de cette lutte des vierges, car il aime les belles âmes, même dans les corps hideux. Une vierge ne connaît ni les inconvénients de la grossesse, ni les douleurs de l'enfantement. Elle est le don du ciel et la joie de ses proches. Elle exerce dans la maison paternelle le sacerdoce de la chasteté. C'est une victime qui s'immole chaque jour pour sa mère. Dans l'homme, la virginité prend un caractère sublime. Troublée par les orages du cœur, si elle résiste, elle devient céleste. Une âme chaste, dit saint Bernard, est par vertu ce que l'ange est par nature. Il y a plus de bonheur dans la chasteté de l'ange, mais il y a plus de courage dans celle de l'homme. Chez le religieux, elle se transforme en humanité. Témoin, ses pères de la rédemption et tous ses ordres hospitaliers consacrés au soulagement de nos douleurs. Elle se change en étude chez le savant. Elle devient méditation dans le solitaire. Caractère essentiel de l'âme et de la force mentale. Il n'y a point d'homme qui n'en ait senti l'avantage pour se livrer aux travaux de l'esprit. Elle est donc la première des qualités, puisqu'elle donne une nouvelle vigueur à l'âme, et que l'âme est la plus belle partie de nous-mêmes. Mais si la chasteté est nécessaire quelque part, c'est dans le service de la divinité. Dieu, dit Platon, est la véritable mesure des choses, et nous devons faire tous nos efforts pour lui ressembler. L'homme, qui s'est dévoué à ses autels, y est plus obligé qu'un autre. Il ne s'agit pas ici, dit saint Chrysostome, du gouvernement d'un empire ou du commandement des soldats, mais d'une fonction qui demande une vertu angélique. L'âme d'un prêtre doit être plus pure que les rayons du soleil. Le ministre chrétien, dit encore saint Jérôme, est le truchement entre Dieu et l'homme. Il faut donc qu'un prêtre soit un personnage divin. Il faut qu'autour de lui règne la vertu et le mystère. Retiré dans les saintes ténèbres du temple, qu'on l'entende sans l'apercevoir, que sa voix solennelle, grave et religieuse, prononce des paroles prophétiques ou chante des hymnes de paix dans les sacrées profondeurs du tabernacle. Que ses apparitions soient courtes parmi les hommes, qu'il ne se montre au milieu du siècle que pour faire du bien aux malheureux. C'est à ce prix qu'on accorde aux prêtres le respect et la confiance. Il perdra bientôt l'un et l'autre si on le trouve à la porte des grands, s'il est embarrassé d'une épouse, si l'on se familiarise avec lui, s'il a tous les vices qu'on reproche au monde, et si l'on peut un moment le soupçonner homme comme les autres hommes. Enfin, le vieillard chaste est une sorte de divinité, Priam, vieux comme le mont Ida et blanchi comme le chêne du Gargare. Priam, dans son palais, au milieu de ses 50 fils, offre le spectacle le plus auguste de la paternité. Mais Platon, sans épouse et sans famille, assis au pied d'un temple, sur la pointe d'un cap battu des flots. Platon, enseignant l'existence de Dieu à ses disciples, est un être bien plus divin. Il ne tient point à la terre, il semble appartenir à ses démons, à ses intelligences supérieures dont il nous parle dans ses écrits. Ainsi, la virginité remontant depuis le dernier anneau de la chaîne des êtres jusqu'à l'homme, passe bientôt de l'homme aux anges, et des anges à Dieu où elle se perd. Dieu brille à jamais unique dans les espaces de l'éternité, comme le soleil son image dans le temps. Concluons que les poètes et les hommes du goût le plus délicat ne peuvent objecter rien de raisonnable contre le célibat du prêtre, puisque la virginité fait partie du souvenir dans les choses antiques, des charmes dans l'amitié, du mystère dans la tombe, de l'innocence dans le berceau, de l'enchantement dans la jeunesse, de l'humanité dans le religieux, de la sainteté dans le prêtre et dans le vieillard, et de la divinité dans les anges et dans Dieu même.